بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، nous sommes toujours dans la risala de Cheikh, de son éminence Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, et je suis dans le deuxième cours maintenant qui est intitulé les piliers de l'islam. Après que Cheikh dans ce résumé, dans ce cours, il a dit il faut montrer les piliers de l'islam, les cinq piliers. Le premier, le plus important, l'attestation de foi, il est digne d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous avons fait en montrant, en voyant un petit peu les conditions de la ilaha illallah et le reste. Et maintenant, il dit à la fin de ce cours, et il faut éclairer le demandeur sur le reste des piliers de l'islam, qui sont la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, et le pèlerinage au lieu sacré, hein, pour celui qui le peut. C'est ce que nous allons prendre, Inch'Allah. Nous allons prendre une partie aujourd'hui, Inch'Allah. Les piliers de l'islam, frère en Allah, Azza wa Jal, comme vous le savez, cette noble religion, la dernière des religions, elle est basée sur cinq piliers. Comme il est rapporté dans le hadith authentique d'Ibn Omar, radiyallahu anhuma, il a dit que le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Buniya l'islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah » وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. Donc dans les authentiques, le hadith d'Abdullah ibn Omar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est basé sur cinq: l'attestation qu'il est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, le fait de s'acquitter de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'attestation, c'est le premier des piliers et c'est le plus important. Et cette noble parole n'est pas tout simplement une parole qui se dit, ce n'est pas une adoration qui se prononce tout simplement par la langue. Mais même si l'être humain, il devient musulman la disant, mais il est obligatoire de mettre en application sa signification, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne lui faire aucun associé, et de croire comme quoi il est le seul digne d'être adoré, et que tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nul et faux. Comme implique aussi sa signification le fait d'aimer Allah, et d'aimer tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, et d'aimer le messager d'Allah, et aimer ce que le messager aime aussi. Et cet amour implique de nous de vénérer Allah, de réserver le culte exclusivement à Allah, et de suivre la sunna du messager alayhi salam. Dans surat al-Imran, verset 31, « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ » Il est dit dans ce verset, « Dites si vous aimez Allah, suivez-moi. » Suivez qui? Le messager alayhi salam. Allah, il vous aimera et pardonnera vos péchés. Comme aussi sa signification, c'est d'obéir au messager alayhi salam. Pourquoi? Allah, il a ordonné dans surat al-Hashr, verset 8, « وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ » Ce que le Rasoul vous a ordonné, ce qu'il vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous. Il a été rapporté dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. « ثَلَاتٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ » أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن حديث rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Trois choses quand ils sont ces êtres humains, quand un être humain il les a, quand un des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala il les a, il va trouver avec, il va goûter avec le goût exquis de la foi. Qu'Allah et son messager soient ce qu'il aime le plus dans ce bas monde. L'amour d'Allah et l'amour de son messager doit être au-dessus de tout. Et comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la foi d'un d'entre vous ne sera complète jusqu'à ce qu'il m'aime plus que ses parents, plus que ses enfants, plus que tous les gens à l'islam. Et donc, en résumé, l'accomplissement de l'attestation de foi, pour l'accomplir, il faut réserver le culte exclusivement à Allah et suivre dans tout ça le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de se rappeler que le jour de la résurrection, nous devons répondre à cette question. Mada kuntum ta'budun, mada ajabtum al-mursalin. Qu'est-ce que vous adoriez et qu'est-ce que vous avez répondu au messager? Pour répondre à la première, s'il faut réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Pour répondre à la deuxième, il faut suivre dans ça le messager alayhi salam. Quant au deuxième pilier de l'islam, c'est le fait d'accomplir la prière. Et méditez avec moi bien la situation, frère en Allah, azza wa jal. C'est pas faire la prière, c'est accomplir la prière. Et l'accomplissement de la prière, comme disent les hommes de science, il s'accomplit de deux sortes. Un accomplissement intérieur, c'est-à-dire un accomplissement du cœur, et un accomplissement avec les membres, avec les gestes que nous faisons. Donc l'accomplissement du cœur, il faut être concentré. Il faut avoir la quiétude. Il faut être concentré à ce que nous disons. Et être concentré, d'être conscient devant qui on est debout, qui on invoque. Et ainsi de suite. Ça, c'est l'accomplissement intérieur. L'accomplissement extérieur, c'est que les gestes doivent être faits, comme il est dit dans le hadith du prophète, sallou kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Il faut savoir aussi, vous le savez, c'est juste pour le rappel, et le rappel fait du bien en croyant, que la prière, c'est le plus important des piliers au niveau des actes après la foi. Après les deux attestations, le plus important des piliers étant l'attestation, étant la prière. C'est la colonne vertébrale de la religion. Frère en Allah, azza wa jal, je te pose la question. On enlève la colonne vertébrale à un être humain, il va être debout? Non. Un animal, il va être debout? Non. Donc, prends conscience à la situation. La prière, il faut que tu lui donnes l'importance. La prière, il faut que tu l'accomplisses comme Allah subhanahu wa ta'ala te le demande. Et comme te l'a enseigné le messager, alayhi salatu wasalam. C'est la colonne vertébrale de la religion. Et c'est la première des choses sur lesquelles le serviteur, il sera questionné le jour de la résurrection. Parmi les actes, le premier acte sur lequel nous serons questionnés sera la prière. Donc si la prière est bonne, il a réussi, tout va être bon. Et si la prière n'est pas bonne, il a perdu. Et là, il y a problème. Et il faut savoir aussi que cette prière, cette adoration qui est la prière, doit se faire dans sa plage horaire que Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée. Dans Sourate Nisa, verset 103, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Donc, certes, la prière pour les croyants est à heure fixe. Fixée par Allah subhanahu wa ta'ala à l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de préserver la prière et de la préserver dans sa plage horaire. Il est dit dans Sourate Al-Baqarah, verset 238, Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Préservez les prières et la prière du milieu. Et si la prière du milieu, c'est l'asr, parce qu'il est d'une grande importance. C'est pour ça qu'il est cité. Et accomplissez et soyez dans l'obéissance constamment à Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Donc cela prouve qu'il est obligatoire de préserver la prière à son heure et qu'il a une plage horaire bien précise dans laquelle il doit être accompli. Et Allah subhanahu wa ta'ala avertit ceux qui négligent la prière ou qui la sortent de sa plage horaire, il les a avertis d'un grand avertissement. Comme dans Surat Maryam, verset 59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Et il est arrivé après eux des générations qui ont négligé la prière, qui n'ont pas donné d'importance à la prière, qui n'ont pas accompli les prières à leur heure, qui les ont sortis de leur heure, ils ont suivi les tentations, ils vont rencontrer le Ghay. Le Ghay, c'est un fleuve au feu de l'enfer, à l'islam. Ou, selon certaines interprétations, c'est un châtiment. Et il est dit dans un autre verset, dans Sourate Al-Ma'un, l'ustensile, numéro 5, versets numéro 4 et 5. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Oui, malheur aux prieurs, sinon c'est un fleuve au fin fond de l'enfer. Sinon, c'est aussi, c'est le châtiment dans le feu de l'enfer. Hein? Oui, aux prieurs. À qui? Aux prieurs, c'est pas à ceux qui ne prient pas. Qui sont distraits dans leur prière. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils sont distraits dans la prière, le fait d'être distraits, non. Qui sortent la prière de son heure. Il n'est pas dit dans le verset qu'ils sont distraits dans la prière. Ils sont sahoun. Sur leur prière, ça veut dire qu'ils la sortent de sa plage horaire, comme disent les exégètes et les hommes de science, dignes de foi. Donc le fait de sortir la prière de son heure, ça fait partie de la négligence de la prière et du fait de ne pas donner l'importance à la prière. Ça ne veut pas dire qu'ils ont délaissé la prière, non. Car le fait de délaisser la prière, c'est de la mécréance. Et il y a une divergence entre les hommes de science sur le fait de délaisser la prière, sur la mécréance de celui qui la délaisse, mais pas au sens large du terme, non, sur celui qui la délaisse par négligence. Mais celui qui ne croit pas en la prière, il est mécréant. Mais la divergence, il est sur celui qui néglige la prière. Mais sa situation est très dangereuse. Et les hommes de science qui le rendent mécréant, ils ont leurs preuves. Et la prière, frère en Allah, Azzawajal, c'est le signe qui fait la séparation entre l'islam et la mécréance et l'associationnisme. Il a été rapporté chez l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, qu'il s'amirtu Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, yaqoul, إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Il a été rapporté du messager عليه الصلاة والسلام dont le hadith il est chez l'imam Muslim que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit entre l'homme et l'associationnisme et la mécréance c'est le fait de délaisser la prière. Et dans le hadith Buraydak Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. Le hadith de Buraïda rapporté par l'imam Ahmed et par les hommes du Sunan dit le pacte qu'il y a entre nous et eux, si la prière, celui qui la délaisse, il a mécru. Il est mécréant. Donc ceci est très important. Et la prière, c'est une relation que le serviteur a avec son souverain. Comme il est dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari. إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. Dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit quand quelqu'un prie, il est en train de s'adresser à son souverain, il est en train de s'adresser à Allah et d'invoquer Allah. وقال تعالى في الحديث القدسي, et dans le hadith Qudsi, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala rapportée par le messager il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, comme ici, وقال تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه الإمام مسلم. Et dans ce hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala il dit j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. Et à mon serviteur ce qu'il demande. Et quand le serviteur il dit, louange à Allah, souverain des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur me loue. Et quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, il dit mon serviteur me fait des éloges, mon serviteur me glorifie. Et quand il dit Malik Yawm al-Din, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit mon serviteur est en train de me vénérer, de me rendre la majesté, et ainsi de suite. Et quand le serviteur il dit toi seul nous adorons, et auprès de toi tout seul nous cherchons aide, là Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son serviteur, ça c'est entre moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. Et comme le serviteur il dit guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non la voie de ceux qui ont encouru ta colère et les égarés. Là Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ça c'est à mon serviteur ce qu'il demande. Ça, c'est à mon serviteur et à mon serviteur ce qu'il demande, rapporté par l'imam muslim. Ça, c'est la prière à l'islam. Il faut qu'on ne prenions conscience de l'importance de cet acte d'adoration, de qui est la prière, pour l'accomplir comme il se doit, pour qu'il nous serve d'abord dans ce bas monde avant l'au-delà. Et sache frère en Allah, Azza wa Jal, comme disent ceux qui connaissent et les hommes de science dignes du nom, la prière c'est un jardin d'adoration dans lequel il y a maintes fruits et maintes délices. Il y a le takbir dedans avec lequel tu glorifies Allah, tu dis Allahu Akbar. Il y a les du'a avec lequel tu ouvres la prière, les du'a de l'istifta, les du'a de l'ouverture. Et quand tu dis Allahu Akbar akhal Islam, rappelle-toi aussi l'un des du'a de l'ouverture, c'est Allah, Allahumma ba'id bayni wa bakhayna khataya, kama ba'adta bayna al-mashriq al-maghrib. Tu dis aussi dans ce du'a, qui est le du'a juste après takbirat l'ihram, Allah, éloigne-moi de mes péchés comme la distance qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. T'as vu un petit peu? Regarde le rapport qu'il y a entre Allahu Akbar et ce dua. Hein? Déjà la distance entre l'Est et l'Ouest, personne ne peut la limiter. Qu'est-ce qu'il en est de la grandeur d'Allah? Nous devons être ainsi quand on prononce les formules que nous prononçons. Allahu Akbar, et tout ce que nous disons Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, et ainsi de suite. Nous devons comprendre et méditer ce que nous sommes en train de dire pour œuvrer comme il se doit devant celui à qui on reconnaît la majesté et la grandeur au sens large du terme et la puissance au sens large du terme. Et dans cette prière, il y a aussi le fait que tu es debout, en train de lire le Coran, que tu dois méditer. Et ce Coran, tu dois le prendre comme tel, là il s'adresse à toi. Tu es en train de réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après tu vas à l'inclinaison dans laquelle tu vas glorifier Allah, subhana rabbi al-azim. Tu reconnais Allah subhanahu wa ta'ala la majesté, la puissance, et tu lui reconnais comme quoi il est exempt de tout défaut. At-tasbih, c'est le fait d'exempter Allah subhanahu wa ta'ala de diminution de défaut. Et après, quand tu te lèves de rukou', tu remplis le fait que tu sois debout de rukou', des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala, des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après tu vas à la prosternation et tu dis Subhana Rabbi al-Ala, tu reconnais l'élévation au-dessus de tout d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ta prosternation, au moment où tu as collé ta face par terre pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train de tu dois te retrouver tout pauvre, tout petit, tout faible devant Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Après, quand arrive le moment, tu t'assois pour tashahhud, et après tu clôtures cette prière avec taslim. Regarde tout ce qu'il y a, comprends tous ces gestes, toutes ces paroles sur lesquelles nous allons revenir pour donner leur définition au moment voulu, pour que nous puissions adorer Allah et accomplir cet acte d'adoration qui est la prière, comme il se doit à l'islam. Et la prière, frère en Allah, Azza wa Jal, il faut que tu saches, c'est une aide pour toi. Pour les choses difficiles, c'est une aide. Il t'aide, la prière t'aide à traverser les difficultés. Il t'aide au moment le plus difficile. Et c'est La prière t'éloigne de tout ce qui est herpétude et blâmable. Bien sûr, si tu l'accomplis comme il se doit. Il est dit dans le verset dans Sourate Al-Baqarah, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Aidez-vous avec la patience et la prière. C'est une aide à l'islam. Très importante à l'islam. وقال تعالى أتل ما أوحي إليك ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن سورة الأغنية verset 45 récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la prière, car la prière interdit la turpitude et le blâmable. Hein? La prière interdit le fait de tomber dans la turpitude et le blâmable. Il a prié à frère en Allah, Azza wa Jal, c'est une lumière pour les croyants dans leur cœur. Et le jour de la résurrection aussi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui est rapporté par l'imam muslim, il a dit, As-salatu nur, la prière est une lumière. Wa qala alayhi salatu wassalam, kama أخرج الإمام أحمد وابن حبان وغيره من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. رسول صلى الله عليه وسلم dit dans ce qui est rapporté par l'imam Ahmed ibn Hibban et Tabarani et d'autres, celui qui préserve la prière, il lui sera une lumière et une preuve, il sera sauvé avec le jour de la résurrection. Et la prière ramène la joie à l'intérieur du croyant et dans le cœur des croyants. Et la prière doit être la prunelle de tes yeux à l'islam. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmed ou l'imam Nasa'i, قال, جعلت قرة عيني في الصلاة. Il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, la prunelle de mes yeux est dans la prière. As-salat, frère en Allah, azza wa jal, efface les péchés et expie aussi les péchés. Et efface les erreurs. Et expie les péchés. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه أي من وسخه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري والإمام مسلم. Dans ce hadith, rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, regarde cet exemple pour que tu comprennes. Regarde comment Allah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous donne des exemples pour qu'on puisse avoir une clarté et que la situation ne soit claire. Il dit, est-ce que vous voyez si quelqu'un parmi vous, il a un fleuve devant la maison qui passe devant lui, un fleuve d'eau qui coule d'eau, dans lequel il se lave 5 fois par jour, est-ce qu'il va rester de la saleté chez cette personne? Est-ce qu'il va rester quelque chose de sale dans cette personne? Lui on dit, ya Rasulallah, il restera de sa saleté, rien du tout. Il a dit, il en est ainsi, des 5 prières, Allah subhanahu wa ta'ala efface avec les péchés, les erreurs, apportées par l'imam muslim ou l'imam Bukhari. Bien sûr, il s'agit ici des petits péchés, ils n'ont pas des péchés capitaux. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. الرسول صلى الله عليه وسلم de nous le faire comprendre. Les cinq prières ou 5 prières et le jumu'ah, le jumu'ah, c'est-à-dire d'une prière du jumu'ah à l'autre prière du jumu'ah, ils expient ce qu'il y a eu comme petit péché tant qu'on n'est pas tombé dans les grands péchés. Tant que on n'est pas dans les grands péchés, les petits, il va les expier. Hein? Les 5 prières ou 5 prières et le jumu'ah vont expier tous les petits péchés. Hein? Et ça veut dire que les grands péchés, ça, la prière ne va pas les expier. Ibn Mas'ud de le dire, radiyallahu anhu wa Allah, celui qui veut être réjoui quand il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala demain, en étant muslim, qu'il préserve ses prières là où on fait l'appel à ses prières. Car Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour votre prophète des voies de la guider Et la prière, les prières font partie de la voie de la guidée. Et si vous priez dans vos maisons, comme il prie celui qui s'absente dans sa maison, vous avez délaissé la sunna de votre prophète. Et si vous délaissez la sunna de votre prophète, vous allez vous égarer. Et tout un homme qui se purifie chez lui et qui perfectionne l'autre chez lui, et puis il va à la mosquée, il va à l'une de ces mosquées, Allah subhanahu wa ta'ala, pour chaque pas qu'il fait, il lui marque une hasanat, il l'élève en degré et lui enlève une erreur et un péché. Et il dit, à notre époque, nous voyons que celui qui s'absente de la prière, c'est-à-dire de la prière de groupe, que les hypocrites qui sont connus par leur hypocrisie. On voyait l'homme qui ne pouvait pas marcher, être ramené par deux hommes, pris dans, chacun le prend d'une épaule, jusqu'à le mettre dans le rang. Ceci est rapporté par l'imam Muslim. Regardez cette importance. Il est malade, il ne peut pas marcher. Malgré tout ça, deux compagnons le traînent jusqu'à le mettre dans le rang. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Aussi, il est très important que d'accomplir la prière avec concentration, avec khushu'. La concentration, c'est la présence du cœur. Il faut savoir aussi que le fait d'être concentré dans sa prière et de préserver la prière et d'être concentré dedans, c'est l'un des moyens qui peut te permettre de rentrer au paradis. On est en monothéiste, bien sûr. قال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون المؤمنون لكويون دو فرسي 1 و فرسي 11 إلي ديدون. Dans cette traduction approximative, ils ont réussi les croyants. Lesquels ? Ceux qui sont concentrés dans leur prière et ceux qui se détournent des futilités et qui donnent le dos aux futilités et ceux qui s'acquittent de la zakat et ceux qui préservent leur partie intime sauf pour leurs femmes légitimes ou leurs esclaves. Dans ces cas-là, ils ne seront pas blâmés. Et celui qui cherche autre chose de, que ça, il a transgressé. Il sera parmi ceux qui ont transgressé. Et ceux qui préservent le dépôt qu'on leur on confie. Ceux qui préservent les dépôts, même si c'est une parole, c'est un dépôt. Si quelqu'un te la confie, tu dis ça c'est un secret entre moi et toi. Ceux qui préservent les dépôts aussi. Et ceux qui respectent les pactes. Et qui préservent les pactes. Et ceux qui préservent leurs prières, ceux-là seront les héritiers. Ils vont hériter quoi, à l'islam ? Ils vont hériter le firdaus. Ils y seront éternels. Et le firdaus, c'est le milieu et le plus haut degré dans le paradis, le milieu du paradis, à l'islam. Aussi, comme toute adoration, frère en Allah, Azza wa Jal, cette prière. Et cette adoration importante, tu dois l'accomplir avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois l'accomplir comme il a été rapporté dans la sunna. Sincérité est suivie. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama al-a'malu bin-niyat » Wa inna ma li kulli imri'in ma nawa al-Bukhari wa Muslim. Wa qala sallu kama ra'aytumuni usalli al-Bukhari. Et il dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, certes les actes ne valent que par leurs intentions. Donc il faut que ton attention, ton acte, il soit sincère pour Allah. Et il a dit dans notre hadith, priez comme vous m'avez prié. Donc tu dois ramener la sincérité et le suivi aussi. Et il est obligatoire que cette prière s'accomplisse dans le groupe, dans les mosquées. Car il y a beaucoup de vertus, beaucoup de récompenses. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جماعة أفضل من صلاة الفد ب27 درجة متفق عليه. ابن عمر الله سبحانه وتعالى أجري وكل أجري tous les nobles compagnons رضوان الله عليهم a dit dans ce hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim la prière en groupe est mieux que la prière de l'individu tout seul, et il la dépasse de 27 degrés à l'islam. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, a voulu aller brûler les maisons sur des hommes qui s'absentaient de la prière du groupe. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, les hommes de science, ils disent s'il ne l'a pas fait parce que dans les maisons, il y avait les femmes et la prière en groupe à la mosquée n'est pas obligatoire pour elles. Il y avait les malades, ceux qui ont des excuses, et il y avait les enfants et ainsi de suite. Alors que le messager d'Allah est envoyé comme clémence pour l'humanité. Regardez l'importance, cela te montre l'importance de la prière. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ibn Majah, par Dharqutni, par Ibn Hibban, par Al-Hakim, avec une chaîne de transmission qui est authentique. Et c'est un hadith qui te montre l'importance et la grandeur du fait d'accomplir la prière en groupe. Dans ce hadith, il est dit, celui qui entend l'appel et qui ne vient pas à la prière, il n'a pas de prière s'il n'a pas d'excuse valable et légiférée. Et aussi, il faut avoir la quiétude dans sa prière, dans tout acte de la prière. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui n'est pas quiet, qui n'accomplit pas les mouvements de la prière avec quiétude. Et comme il se doit, il lui a ordonné de la refaire. Allahu Akbar, on se relève. Allahu Akbar, on se relève, etc. Comme un TGV. Il a fait 4 ka'at en 2 minutes. À peine. Et là, dans la prière, il y a un aspect, il fut montré la fraternité et l'organisation. Parce que nous devons être alignés derrière un imam. Cheville collée aux chevilles, genou aux genoux, épaule à l'épaule. Et dans une seule direction, qui est la direction de la Kaaba, qui est notre Qibla. Et ceci est très important. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait un souci, ou quelque chose qui le préoccupait, il allait dans la prière. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ista'inu bis sabri wa salat » Parce qu'il est dit dans cette traduction approximative du verset dans Sourate Al-Baqarah, aidez-vous avec la patience et la prière. Et il disait à Bilal, Ya Bilal, arihna biha. Et il demandait à Bilal d'aller faire la danse, lui dit, oh Bilal, repose-nous avec la prière. C'est-à-dire que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam trouvait le repos et la quiétude dans la prière à l'islam. Pourquoi? Parce que le musulman, quand il se met debout dans sa prière, il est devant son souverain, devant son créateur, Azza wa Jal. Et donc, s'il le sent ainsi, il se présente ainsi dans son esprit, il est évident que son cœur va se reposer. Son âme va avoir la quiétude. Ses membres doivent se concentrer. Parce qu'il est devant son souverain, Azza wa Jal. Et parce que il se présente pour demander des choses et pour s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les mouvements qu'il fait et dans les demandes qu'il fait. Et il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses blâmables chez ceux qui prétendent l'islam et être musulmans, ceux qui délaissent la prière. il délaisse la prière, ou alors il la néglige, hein, il la sort de son heure, prétextant et prétextant des prétextes qui ne tiennent pas debout, qui sont comme l'étoile d'araignée pour celui qui veut s'abriter, hein, en pleine canicule du soleil. Et nous avons vu le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, hein, qui porte un avertissement très dur et très sévère pour nous éveiller, pour ne pas négliger la prière, pour ne pas délaisser la prière. Mais ces hadiths, entre l'homme et la mécréance, et l'association, c'est le fait de délaisser la prière. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il a mécru. Et celui qui néglige la prière, il va négliger toute autre chose. Celui qui ne donne pas d'importance à la prière, le reste ne lui donnera pas d'importance à l'islam. Car c'est la colonne vertébrale de la religion à l'islam. Et le fait de délaisser la prière, c'est l'une des causes pour mériter l'enfer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit des criminels, « Ma salakakum fi saqar »« Qalu lam nakum min al-musallin » Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat al-Mudathir, « Qu'est-ce qui vous a amené à saqar ?» Nous n'étions pas, nous ne faisions pas partie de ceux qui prient. وقال تعالى واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Il est dit dans le hadith, dans le verset, dans la traduction approximative, dans sourate Ar-Rum, accomplissez la prière et ne soyez pas parmi les associateurs. وقال تعالى وانقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Et dans sourate les Bestiaux, verset 72, accomplissez les prières, préservez les droits de votre souverain, car vous allez revenir vers votre souverain. وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Il est dit dans l'autre verset, dans sourate Tawa, verset 11, s'ils se repentent, ils accomplissent la prière, ils s'acquittent de la zakat, ce sont vos frères dans la religion. Ils se repentent et ils accomplissent la prière et ils s'acquittent de la zakat. Et dans ces cas-là, ce sont vos frères dans la religion. Et dans ce verset, dans Sourate Tauba, les hommes de science disent, il a fait que l'accomplissement de la prière soit une condition pour l'acceptation, hein, du repentir et que de la fraternité en islam. وقال تعالى ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون نصوره المرسلات malheur aux menteurs ce jour-là, c'est-à-dire le jour de la résurrection, quand il leur a été dit prier, ils ne priaient pas. Et tu vois, frère Allah Azza wa Jal, combien dans la communauté, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala comble de sa sainte miséricorde, combien il prie le fajr une fois que le soleil est levé, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Il fait partie de la négligence de la prière, de ne pas lui donner de l'importance, de ne pas l'accomplir dans le groupe, en étant capable de le faire. Et comme il a dit Abdullah ibn Mas'ud, nous savons de la prière du groupe qu'un hypocrite connu de son hypocrisie. Et fait partie aussi de la négligence de la prière, c'est le fait de la faire très légère et de ne pas avoir la quiétude dans les gestes et de ne pas avoir la concentration et de ne pas avoir accompli les génuflexions, les prosternations comme il se doit et de faire les gestes avant l'imam quand on prie derrière l'imam. Et celui qui devance l'imam dans les gestes, ni il a pris comme imam l'imam, ni il a prié tout seul. Parce que l'imam, il est devant toi. Tu dois faire le geste quand il l'a fait. Tu ne le devances pas, tu ne le fais pas en même temps que lui. Et quand tu le devances, tu ne l'as pas pris comme imam, comme guide de la prière. Et donc, tu n'as pas prié non plus tout seul. Et le fait de faire très court ses prières et de ne pas donner le droit à chaque acte dans la prière, et de devancer l'imam dans les gestes, ceci est contraire à la concentration dans la prière. Et la concentration, c'est l'âme de la prière. Et aucune prière ne sera acceptée sans concentration, mais il sera plié, rejeté à la personne, comme on jette le tissu qui est déjà usé et qui est déjà vieux. Quant aux conditions de la prière, frère Allah Azza wa Jal, ses piliers, ses obligations, nous allons les voir en détail, incha'Allah, dans le reste de la risala de son éminence, Habibullah Ta'ala. Et le terme salat en arabe veut dire dua en arabe. Et dans la terminologie de la religion, c'est ces actes que nous faisons dans la prière. C'est cet acte d'adoration qui commence par Kbirat al-Ihram et qui se termine par Salamu alaykum. Avec tous les gestes que ça comporte. Et le troisième pilier de l'islam, c'est la zakat. Et la zakat, c'est le frère siamois de la prière. T'as vu ? وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِنْ تَابُوا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينَ. Si ils se repentent, ils accomplissent la prière, ils s'acquittent de la zakat, ce sont vos frères dans la religion. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Il leur a été ordonné d'accomplir la religion sincèrement pour Allah et d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Chaque fois que la prière est ordonnée, il y a sa sœur, son frère siamois qui arrive avec, collé à elle, qui est la zakat. La prière, c'est le droit d'Allah. Et la zakat, c'est le droit des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans beaucoup de versets du Coran, et dans beaucoup de hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, ils arrivent ensemble. Et cette obligation de la zakat est quelque chose de très important dans une société. Et c'est quelque chose qui fait sentir aux croyants la noblesse de l'islam, la noblesse des buts de l'islam. Il y a dans la zakat la clémence, le bon sentiment qu'on a pour autrui, le fait d'aimer l'entraide entre les musulmans, le fait d'aimer le bien pour les musulmans et de s'entraider. Et aucun n'a de vertu sur l'autre dans ce qu'il donne à l'autre, car ceci est un devoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis ce capital ou cette fortune entre tes mains pour qu'il voit est-ce que tu vas t'acquitter des devoirs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il a mis entre tes mains. Donc il n'y a aucun chichi à voir, ni le fait de s'élever, ni de se vanter, je lui ai donné quoi que ce soit. Non, abadan, jamais de la vie. On va anéantir son acte dans ces cas-là. Car ça, c'est les bienfaits. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a comblé avec. قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. Dans sourate Nour, verset 33, Allah subhanahu wa ta'ala, donnez-leur de la fortune que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné. وقال تعالى آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر كبير. Et dans sourate Al-Hadid, le fer, verset 7, croyez en Allah, en son messager, et dépensez un peu de ce que, des choses que Allah subhanahu wa ta'ala met sous votre tutelle. Car ceux qui ont cru parmi vous et qui ont dépensé auront une énorme récompense. Et pour l'importance de la zakat, Abu Bakr Siddiq, que Allah subhanahu wa ta'ala agrée, a fait la guerre aux tribus qui ont refusé après la mort du prophète de donner la zakat de leur fortune. Et il a dit, par Allah, je vais combattre tout un chacun qui fera la différence entre la prière et la zakat. et les nobles compagnons étaient tous derrière lui, radwanullahi alayhi majma'in. Et Allah subhanahu wa ta'ala a émis un énorme avertissement contre les avares et ceux qui ne dépensent pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Dans Surah Tawba, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Et ceux qui font des réserves d'or et d'argent et qui ne dépensent pas sur le sentier d'Allah, cela annonce leur un châtiment douloureux. Et la zakat est obligatoire aux musulmans quand il a le quota qui est demandé de n'importe quelle espèce, de toutes les choses duquel, pour lesquelles il est obligatoire de sortir zakat quand l'année est tournée, sauf les grains et les fruits de la terre, car la zakat des grains et de certains fruits, elle est obligatoire quand ils sont mûrs, quand il y a eu la cueillette, même si l'année n'a pas tourné. Et la zakat se donne à ceux qui la méritent, comme ces catégories sont annoncées dans le Coran, dans Surah Tawba. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. Et dans Surah Tawbah verset 60, certes, les sadaqat sont pour le fuqara. Fuqara, celui, la première catégorie, celui qui n'arrive pas à combler ses besoins. Et le masakin, c'est celui qui n'a pas de quoi subvenir à ses besoins aussi. Hein? Et on l'appelle meskin parce que hein, la pauvreté l'a fait faiblir. Il fuqara, pour dans certaines interprétations, on dit que le fuqara, c'est ceux qui ne trouvent pas de quoi subvenir à leurs besoins durant l'année. Il masakin, c'est ceux qui ne trouvent pas de quoi subvenir à leurs besoins durant leur journée, et ainsi de suite. Hein? Et aussi ceux qui œuvrent pour la zakat, c'est-à-dire ceux que les gouverneurs désignaient à l'époque pour ramasser la zakat. Ça, c'est la troisième catégorie. Et les mu'allafati qulubuhum, ce sont certains qu'on espère leur islam, ou certains qui viennent de se convertir à l'islam, et on espère pour qu'ils puissent rester et être fermes dans l'islam. Et aussi vient la quatrième catégorie qui sont les esclaves qui veulent se libérer, on les aide à se libérer, à acheter leur liberté. Et aussi l'endetté, celui qui est accablé de dettes pour hein, subvenir à ses besoins, les besoins de sa famille, etc. Il est accablé de dettes. Lui aussi, il fait partie de la cinquième, car la sixième catégorie dont, à laquelle il faut donner la zakat. Et aussi pour les combattants, et pour faire le pactage des combattants, et pour le combat sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, le voyageur, même s'il est riche, s'il tombe en panne, lui donne la zakat. Même si chez lui, il est riche. Ça, c'est une, et dans la fin du verset, il a dit, ça, c'est une obligation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Son éminence, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, lors d'une conférence autour de l'obligation de la zakat, il dit, le fait de rappeler l'obligation de la zakat, il dit, il faut rappeler l'obligation de la zakat, car beaucoup de gens ont négligé, parmi les musulmans, ont négligé l'importance de la zakat. Ils ne la sortent pas comme il se doit être sorti. Ils ne le supportent pas, ils ne la sortent pas comme la législation l'a légiféré. Alors qu'elle est très importante, il fait partie de l'un des piliers de l'islam. Et c'est un pilier sur lequel se bâtit tout l'islam aussi. C'est fait partie des piliers. Et les points bénéfiques de la zakat, c'est que cette zakat montre la noblesse de l'islam et que l'islam s'occupe des nécessiteux et de toutes les catégories sociales de la communauté et de ceux qui sont dans le besoin et fait partie des bienfaits de la zakat, c'est qu'il renforce les liens de fraternité entre les pauvres et les riches, car les gens, leur nature c'est d'estimer et d'aimer ceux qui leur prodiguent du bien. Et aussi fait partie des points à retenir de la zakat, c'est qu'il purifie les personnes, il purifie leur âme, il les éloigne de l'avarisme. Et il dit dans le verset « Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha » et dans surat Tawba, prendre de leur fortune une aumône qui va les purifier. Et aussi ça rend le musulman, ça donne l'habitude aux musulmans d'être généreux et d'avoir un sentiment pour ceux qui sont dans le besoin. Et aussi ça permet à la personne qui donne la zakat de ramener la baraka, de ramener la bénédiction et de fructifier ses biens. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Tout ce que vous dépensez, il est dans le verset dans Surat Saba, ce que vous dépensez, Allah subhanahu wa ta'ala le replace, il est le meilleur de ceux qui donnent la subsistance. Et l'avertissement est pour ceux, et un énorme avertissement concerne ceux qui sont avares, qui ne s'acquittent pas, ou qui sont négligents dans le fait de s'acquitter de la zakat. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Dans Sourate Tawba, verset 35, où vous qui avez cru, beaucoup parmi les savants juifs et les curés mangent et s'accaparent des gens faussement. Et ils détournent de la voie d'Allah. Et ceux qui font des réserves d'or et d'argent, ils ne la dépensent pas sur le sentier d'Allah, annonce-leur l'énorme châtiment. Le jour où ça sera chauffé et ils seront brûlés avec, le jour dans le feu de l'enfer, leurs fronts seront brûlés avec, leurs côtés, leur dos. Ça, c'est ce que vous avez réservé. C'est vous qui l'avez réservé. Donc, goûtez à ce que vous avez réservé. Et toute fortune de laquelle on ne s'acquitte pas de la zakat, c'est un 15 avec lequel on va être châtié le jour de la résurrection. Comme il est dit dans les hadiths du prophète alayhi salam, les zakat concernent quatre catégories. Ils concernent les grains qui sortent et les fruits qui sortent de la terre, certains fruits. Ils concernent aussi les bestiaux qui ne sont pas nourris à l'étable, mais qui sont dans les pâturages, sauf une diversion chez les malikites. Ils concernent l'or, l'argent. Ils concernent ce qu'on expose pour le commerce. Et pour ces quatre catégories, il y a un quota très limité, limité par la législation. Et quand on arrive à ce quota, à ce moment-là, on s'acquitte de zakat, sa zakat. On arrête là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. On verra pour les quotas, Inch'Allah, plus tard. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum. Jazakumullahu khairan.